mort. En attendant, comme un mauvais paysan, que le bonheur pousse entre mes jambes. C'est fou ce que mon délire te ressemble. Ta gueule, Roméo, ne mets pas aux enchères, ni ton cœur, ni ta chair. Ferme ta gueule, Roméo, ne mets pas aux enchères, ni ton cœur, ni ta chair, ni ton cœur, ni ta chair. Non, ni ton cœur, ni ta chair. Eh, bonhomme, qui n'a jamais rêvé de conduire un train, ou tout du moins, voyager dans la cabine du conducteur? C'est ainsi que commence l'article dans le journal Le Métro, intitulé « Le métro de Montréal dans votre salon ». Eh oui, maintenant, grâce au logiciel Microsoft Train Simulator, MSTS, ça fait quasiment MTS, on peut maintenant avoir le métro de Montréal de Video Games. Ça a l'air super plate, j'ai des images ici devant les yeux, ça a l'air ennuyant. Fait que finalement, t'es en train de me dire qu'on peut maintenant, grâce aux merveilles de la technique moderne, jouer à Métro de Montréal de Video Games. On peut maintenant, oui. Tu rentres de travailler. Ça a l'air très monotone, puis les stations sont très bien représentées, mais sans passagers, on dirait. Vous êtes à 70%. On va mettre la toune thème, puis on va commencer ça officiellement. C'est ça. All right. C'est la seule solution! Oui, sauf que là, ce soir, ça va être difficile de ne pas être content. On a Damien et Pablo qui vont venir nous faire une chanson originale qui s'appelle « Je pleure de douleur ». Dans la douleur. Dans la douleur, oui, bien sûr. Ça va être excellent comme toutes les autres fausses que Damien. Un petit peu plus, oui, j'avoue, les chips au bacon. C'est mon lancer léger dans le New Wave, mesdames et messieurs. Voilà. J'ai fait un mix de punk à une amie récemment, puis j'y ai mis « Ne risez pas des affaires pour ». C'est excellent. Hey, mais là, sinon, on est à 70%, ça veut dire s'il y a une prérogative. Les gens ont voté au douteux.qc.cx. On répète. Les gens ont voté au douteux.qc.cx. Les gens ont voté pour Force T. Force T, un film de 1995 réalisé par le duo mirobolant et fantastique que sont Richard Pépin et Joseph Méry. Voilà, ça va être excellent. Sinon, on va parler un petit peu de Two Girls, One Cup. C'est quelque chose qui obsède à peu près tout le monde que je connais. Ouais. On va essayer de... Je vais donner mon opinion, là, vous allez voir, ça va être fantastique. Et la mienne, par la même occasion. On va en parler tout le monde. Sinon, ben, pour commencer le show, hein, on va faire... Ah, en trame sonore de fond, bien sûr. Final Fantasy Chronicle, disque 2. C'est en plein ça, hein, il écoutait en sapristi. Hein. Sinon, ça va être quoi la toune? Je pense que ça va être Ring the Bell des Kings. C'est bon, okay. Ça. C'est comme les débuts du punk pis tout. Ouais. Ça fait longtemps. Fait que The Kings, Ring the Bell, on vous revient à 70% avec Damien pis tout. Tu vas nous parler de la fin de ta tournée. Je vais parler de la fin de ma tournée pis si j'ai le temps d'un film douteux qui est pas présentable. Ah ouais, c'était Feed là. Feed. On est à 70%. À tantôt. Ouais. Girl, so On est de retour en studio, plus blindé que jamais. Je vais commencer en lisant le petit résumé qu'on a fait du film Le merveilleux, Force l'incroyable Forceté. Pendant qu'on remet la trame sonore, Boku no Ushi. C'est ça le nom de la toune, ça arrive. Hein. C'est ça qui arrive quand t'es japonais, hein, tu parles japonais, t'es écrit japonais. Boku no Ushi. Ouais, c'est ça, Israël, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Forceté 1995, un film réalisé par Richard Pépin et produit par Pépin Méry des productions PM Entertainment Group Inc. On a dedans Jack Scalia, qui va reprendre encore son seul rôle de vieux flic bourru. On a Evan Lurie, qui était dans l'Homologramme, qui faisait le dernier boss dans l'Homologramme, qui était dans Cyborg Cop. Il en a fait tellement. En fait, c'est surtout pour parler de... C'est quoi déjà son nom? Evan Wells. Evan Wells, c'est ça. C'est lui qui faisait Bennett dans Commando. Mm-hmm. Commando avec Arnold. Avec Arnold. Tu te souviens comment c'était? Hein? Tu te souviens, Maddox? C'est comme au bon vieux temps. Puis là, il a tendu de méchant à la côte de maille. Oui, c'est ça. Et puis là, ben, il se fait percer là, par... C'est un acteur australien qui a été recyclé là, avant d'aller faire un méchant dans les Power Rangers. C'est tout le temps plaisant, ça. Donc, dans l'encyclopédie, bien sûr, la petite notice commande, c'est USA seul contre tous. Oui, car les cyborgs seront bientôt seuls face à leur créateur. Dans ce film-là, on a bien sûr une baisse de cyborgs totalement incongrue. C'est un excellent... Ouais, les cyborgs vont baiser. On a un petit peu d'audio tantôt, là, mais je veux dire, d'habitude, ils mettent du saxophone, puis là, il y a des mains qui flattent, là, fait que... Oh, Bruno qui s'en vient, à part de ça, on va avoir notre lecteur de nouvelles. Sinon, ben, à la base, Forceté, c'est un excellent douteux, très bien étendu. C'est une bonne porte d'entrée vers le mouvement, étant donné son très haut coefficient de manque d'imagination. Bravo à Jack Scalia et à l'éternel Richard Pépin pour leur rapport considérable au mouvement douteux. À noter, les costumes des robots. Si c'est pas... Hey, ben, salut Bruno, man! Quelque chose d'important? Hey, là, plein d'affaires. Vas-y, vas-y. Attends, OK, on va partir la micro, vas-y. Allô? Oui? Non, c'est pas le bon. C'est lui. Vas-y, man. Allô? C'est pas le bon. Ouais, c'est le bon. Ah, ouais? Allô? Allô? Allô? Allô? Je parle dedans. Ben, vas-y, man. C'est quoi, t'as une nouvelle éclair, là? Non, non, je voulais juste savoir si j'avais manqué quelque chose. Ah, ben, t'as manqué que Damien va nous faire « Je pleure dans la douleur ». Hein? Ça va être excellent. Continue avec Forceté. Je continue avec Forceté, donc... c'est ça, on a Jack Scalia qui va reprendre son rôle pour la rapport considérable. C'est ça, c'est ça. Pépin Méry, ils sont des génies, hein, faut pas avoir peur de le dire. Côté scénario, parce qu'il faut en parler un petit peu, c'est le dilemme des cyborgs qui prend le dessus dans l'aspect de fond. Est-ce que les cyborgs doivent respecter les ordres en tant que bons robots bien programmés ou respecter la directive d'autopréservation? Oh. Si c'était dans un autre contexte, peut-être qu'on aurait une opinion, mais malheureusement, c'est dans un Pépin Méry, donc on n'en a pas grand-chose à faire. Pour l'instant, on va aller écouter les premières séquences pendant que Bruno s'installe pour nous garrocher des premières nouvelles. C'est un cas de force majeure. Tu sais, au début, hein, il y a tout le temps une séquence pour nous montrer comment ils sont hot. Dans ce film-là, ça va pas très bien parce que là, les cyborgs, en suivant la directive tôt à la lettre, ben, il y a un otage qui se fait dessus. En tout cas, mais là, on va commencer. Vous allez voir ça. Bonsoir. Un groupe armé vient d'investir l'immeuble de l'ambassade de l'ONU. Les hommes qui le composent ont à présent le contrôle total de tous les étages et détiennent une soixantaine d'otages, dont l'ambassadeur britannique Christopher Olson. Les terroristes revendiquent la libération d'un certain nombre de prisonniers actuellement détenus au pénitencier. Ordre à toutes les unités. Allez, reculez-vous. Et voilà, prise d'otage classique. Que faire? C'est chers la débandade. Amis, toutes mes excuses, mais je crois que l'on ne prend pas notre action très au sérieux. Je vous propose d'assister à une petite démonstration. On sent qu'il est méchant, hein? Mademoiselle, est-ce que vous pourriez m'aider? Venez, ça me ferait tellement plaisir. Non. Les véhicules de secours, zone 32 et 33. 32 et 33. Et voilà, il lance la demoiselle par la fenêtre. Ils sont complètement à fait. Comment qu'on va répondre à ça? Comment répondre à ça? Ils sont tellement sérieux et méchants. Inutile de vous dire que nous sommes très sérieux. Et méchants. J'irai droit au but. Je veux que mes associés soient relâchés et qu'on me les amène immédiatement. Maintenant. Nous sommes dans une situation extrêmement sérieuse. Il faut réagir. Ils viennent de défenestrer un otage. Attention. Je vous entends, ici le préfet Richman. Soyez rassurés, la section cybernétique est en alerte. Je répète, la section cybernétique est en route. Secteur 2, 3, 5, ah, 0, ben là, si la section cybernétique... Comte, je vais passer Jack Floyd. Excusez-moi de vous importuner. Je suis Peter Desurick, le conseiller municipal. Je sais qui vous êtes. Peter Desurick. Je vous signale que vous n'êtes pas habilité à utiliser une section dont nous avons limité les interventions au seul cas de force majeure. Mais... Vous n'avez pas entendu ce qui vient de se passer? Pour moi, il s'agit d'un cas de force majeure. Voilà. Où est passé Jack Floyd? Voilà, Jack Floyd, ça c'est bien sûr Jack Scalia dans le rôle du flic bourru qui va s'occuper de faire le maximum de ménage. Ça aurait été pratique d'avoir Bruno avec une nouvelle que, dans Vie, il s'appelle Jack, puis dedans le film aussi. Oui, oui, exactement. Tu peux pas ne pas plus te tromper que ça ou ne pas moins te tromper, c'est ça, parce que c'est drait ça. Ouais. C'est comme ça, c'est plus simple pour lui. Il peut pas se tromper lui non plus. On va aller voir, c'est ça, les Docteur Gant, oui. Je suis Peter Desurick. On va parler des robots, là. Parce vous connaissez notre problème. Maire, Madame Pendleton, notre préfet, Monsieur Richman, et voici le lieutenant Floyd. Bonjour. Bonjour. Ils vont discuter le Docteur Gant est robots. En quelque sorte le cerveau de la section cybernétique, également connu sous le nom de Force Terminale. Vous avez dû oublier de leur dire qu'ils étaient aussi là pour sauver les otages. C'est une simple erreur technique. Simple erreur? Non, mais dites, je rêve. Attendez, docteur, nous parlons des otages, de 6 innocents qui ont été sacrifiés. Et vous vous retranchez derrière une erreur technique. Madame, vous oubliez qu'il y avait 31 terroristes. 31. Or, je vous rappelle que tous ces hommes ont été tués. Toute action était susceptible d'entraîner de lourdes pertes, vous en êtes consciente. D'accord, il y a eu cet accident. Mais si à la place de ces robots, des êtres humains étaient intervenus, les victimes auraient été bien plus nombreuses. De quel genre d'être humain parlez-vous, docteur? Écoutez, messieurs, nous devons faire face à la situation. Des robots sont impliqués dans un drame que nous pouvions éviter. Il est temps que nous prenions les mesures nécessaires. Les robots... Mes robots ne sont pas encore des créatures parfaites. Comme les humains, ils ont à prendre des décisions. Et comme les humains qui les ont programmés, ils ne sont pas à l'abri vous d'une erreur. Le dilemme. À l'origine, nous avons développé la cybernétique pour nous aider dans nos tâches quotidiennes, à la maison, au jardin. Il n'a jamais été question de leur donner le boulot de la police. Écoutez, l'opinion publique, jusqu'à notre gouverneur, même la Maison Blanche, tout le monde est choqué. Personne ne veut admettre que des espèces de machines humanoïdes aient droit de vie ou de mort. Je crois qu'on est tous d'accord. Et voilà. Je demande l'abandon immédiat de cette politique judiciaire. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. J'ordonne que l'on détruise tous ces robots sans perdre un seul instant. Et qu'est-ce qui vous y autorise? Le droit constitutionnel, j'en suis désolé. Il faut savoir garder les pieds sur terre. Pendant qu'on va transitionner vers nous vivons l'autre dans un problématique... Monde, je trouve que beaucoup trop de gens profitent de cette situation. Je vous garantis que cette opération a assez duré. Mais cybernautes sont des êtres à part entière. Ah, des cybernautes. Ce ne sont pas de simples outils. Ben non. C'est une création à l'égal... À l'égal de l'homme engendré par Dieu, ils ont l'intelligence, ils sont doués de déduction, ils ont une âme, une vie, une existence réelle. Voilà, on le croit. Bruno, raconte-moi une nouvelle là, pendant que le héros il finit son discours. Alors, et oui, ce fut un match enlevant. Les Giants ont gagné le Super Bowl. Non, c'est pas vrai, je parlais pas de ça. Ok. Merci. Alors. Merci aux scientifiques de l'Université de Newcastle. Les hommes ne seront bientôt plus nécessaires à la reproduction humaine. Oh, yes! Ils ont en effet découvert un moyen de créer des spermatozoïdes à partir d'embryons féminins. Ils essaieront maintenant d'en créer à partir de la moelle osseuse, ce qui serait plus pratique qu'avec les cellules d'embryons. Bouh la science! Hey, c'est rough, ça. Ouais. En tout cas, ils vont s'ennuyer, bon. Ben oui, j'ai souvent imaginé le futur de notre sexe comme étant, mettons, là, ils vont aller dans un zoo, là, puis là, il va être écrit mâle, homo sapiens, sapiens, là, puis il va avoir un gun avant d'une console. Aussitôt qu'ils trouvent le moyen d'utiliser leur esprit pour pouvoir déplacer des gros objets, là, on sert plus à rien. C'est fini, man. C'est ça. Hey, ben merci, là, on est revenu justement au héros qui crouse Madame le maire. Parce que ça devienne personnel. J'ai failli oublier ce qui fait ton charme depuis toujours. Tu fais passer ton plaisir après les affaires de l'État. Mais mon plaisir, c'est les affaires de l'État. Quant à moi, ton plaisir sera toujours mon affaire. Au plaisir, Jack. Quel charmeur. Je pense qu'en sortant de ce grand bout d'extrait, en sortant de cette nouvelle à faire frémir les ovaires masculines de cette planète, on va aller écouter une petite chanson, puis on va revenir, on va préparer pendant ce temps-là Damien et Pablo, qui sont là pour préparer non seulement une excellente chanson, une chacha, mais en plus un excellent indicatif pour rappeler à tout le monde à quel point notre show de radio est cool. Fait que ça va être Desmond Dekker ou Lie Detector, c'est quoi ça? Ah, Reverend Orton Heat, c'est bon ça. On va aller mettre ça. Ok. Ah, Raid, on revient après à 70%. Pendant que Mandragora, la cyborg, ça fait opérer que. Adam, Omega est le plus beau d'entre nous. Ouais, on parle. Après avoir fait courir Bruni Surin contre un hot dog, associer des céréales au talent de Tiger Woods et des pick-up à Wayne Gretzky, les publicitaires québécois du 21e siècle évoluent vers un univers de chars qui lévitent, de cosmétiques qui créent des amitiés et de rasoirs issus de la rencontre de deux énergies pures. L'ordre des publicitaires québécois, à l'écoute de la réalité. Un contre 100, tout pour moi, c'est pour vous, 70%. Merci, Damien. C'est beau. Tu veux-tu nous le faire avec ton nom pour montrer qu'on a des amis? Bonjour, ici Damien Blas Bouchard. Vous écoutez Radio-Canada. 1%? Non. Fuck off. Je vais aller fumer une clope. Est-ce que tu joues à Magic? Non, Non, Damien joue pas à Magic. Bon. Voilà, c'est fait. On y a demandé. OK. Et les Pogs, c'est le plus loin que je suis allé. C'est pas très geek, les Pogs. Non. C'est raw. C'est comme la lutte. Ouais. Ou les osselets, là. Ça aussi, c'est peu. Fait que la tournée course, man. J'étais en tournée avec mon groupe Bonne Journée. Yeah. Puis là, c'était la deuxième partie. La première partie, ça m'a été les gros shows, des audiences, une centaine de personnes malades. On faisait de l'argent, puis tout. La deuxième partie, on était dans les coins les plus sombres du Québec. Jour 1, Magog. On arrive à Magog, puis là, le gars du bar se présente, il dit « Salut, moi, c'est Ben! » On dit « Salut, Ben, ça a l'air cool, toi. » Puis il dit « Ah ouais, c'est moi le propriétaire du bar, en tout cas, tu vas voir, on va te faire des deals. » Puis il y avait une couette, puis un pinch, puis son pantalon rentré dans ses culottes, puis une calotte à l'envers des Raiders d'Oakland. Oh, hein? C'est beau. Fait que là, Ben nous dit qu'il va nous faire des deals, c'est super cool. Je veux y aller acheter un pichet, il me dit que ça serait 6$. 10$, cool. Fait que là, j'arrive pour lui donner mon 6$, ben mon 7$ avec le type, puis il dit non, vous allez monter un bill, vous allez payer ça à la fin, tout va être cool. Fait que là, parle, genre, joujou, on boit 7 pichets, genre, là, c'est à 6$, on peut se le permettre, hein? Ben oui. Puis là, Ben, à la fin, il est ben sous parce que lui, il a bu 12 pichets directement à partir du pichet. Puis là, il parle de quoi, je lui dis « Ah! » Puis il nous fait comprendre avec ses marmonnements que il nous donnerait pas l'argent de la porte puis qu'on paierait le plein prix pour les pichets. Puis le bill qu'on s'est monté. Fait que finalement, il a comme trop fait le party le soir de votre show pour vous donner ce qu'il vous avait promis. Parce que ça a fini dans le sang, ça? Ça a fini qu'on est parti comme la queue entre les jambes. Si j'avais été là, man, je l'aurais mordu. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ça se fait pas, ça. La moralité, tu payes tes affaires quand il te les vend, les bills, man. Dans sa face. Le lendemain, c'était très drôle. On était dans van, là, tu sais, puis on buvait de la bière parce qu'on boit de la bière dans van à part celui qui chauffe. Puis on les cache jamais, hein. Puis là, on est sur le highway, puis c'est bien drôle, puis on compte des jokes, puis c'est bien le fun, mais tout d'un coup, un des charmants garçons des connards à l'orange pogne envie de pisser, puis dit ah, arrête-toi, man. Puis là, tu sais bien qu'on veut pas arrêter, tu sais, sur le highway, on n'arrête pas. Trop rapide. Fait qu'on a décidé de prendre la glacière, de l'ouvrir, de pitcher toutes les oranges pourrites qu'il y avait dedans par la fenêtre sur le highway. Puis après ça, on l'a laissé pisser dedans. Puis en le voyant pisser, je me suis dit ah, que ça a l'air bon. Moi aussi, j'ai envie de faire pipi. Fait que, à mon tour, j'ai été faire pipi. Et ensuite, Frank le connard a suivi. Ensuite, Benoît Poirier a pissé. Et ensuite, Phil, le premier à avoir pissé, a décidé de repisser par-dessus toutes nous autres. Le chauffeur. Fait que je te dis, il y avait au moins 10 cm de creux de pipi dedans la glacière. C'est fabuleux. Fait que là, après ça, on a commencé à niaiser avec le pipi, tu sais, puis à faire semblant de se le pitcher. Puis là, ça a mis du monde en caisse. Fait qu'on l'a crissé par la fenêtre. La glacière est morte. Ça a apprécié, hein. Ouais. Ça a la tournée. La tournée de l'ours ici qui s'est terminée dans le pipi. Je vais raconter ça parce que je trouve que c'est une vraiment belle aventure que j'ai vécue. Disons que c'est des êtres humains dans un état d'humanité brute. Il y a même quelqu'un qui s'est levé debout puis qui a pissé par la fenêtre. On the highway. Hey, raconte-moi une nouvelle, Bruno, là, qui va me redonner foi à la race. Bonne job. Ah, mais non, c'est vrai, Israël. Il fallait qu'on parle aussi du party. Excuse-moi, Bruno, du party de jeudi qui s'en vient. On va bien sûr avoir un geek party à l'après-coup parce que la survie de Choc FM est menacée de très beaucoup. Il faut que les gens de l'UQAM aillent voter dans le référendum pour la CANO, dans le sens que il faut garder des organismes de diffusion bénévoles comme le Choc, parce que moi je pense que c'est mieux pour la démocratie qu'il y ait du monde qui puisse porter leur voix sur internet pis tout, pis en tout cas, venez à l'après-co jeudi soir à l'UQAM, ça va être un geek party, ça va être malade, on va amener des Nintendo pis on va jouer à Ikari Warrior en bedaine. Ouais. Voilà. Fait que Bruno, nouvelle. Ok. Pat Dijkstra du Wisconsin s'est auto-stoulé cette semaine. Alors qu'elle revenait en voiture d'un bar, elle a appelé la police pour les avertir qu'elle était probablement trop saoule pour conduire. Elle a donné une assez bonne description pour que la police la retrouve chez elle et lui fasse passer un alcootest qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0.14. Elle a alors été... Puis là, il n'y a plus rien écrit sur ma feuille. Je pense que c'était arrêté le mot qui allait là. Aïe, ben t'es rendu chez eux. C'est trop de zèle, peut-être un peu. Ouais, c'est bizarre. Probablement que le juge va être clément. Ouais, en tout cas, c'est weird. Ouais. Aïe, sinon, moi je vais parler justement. On a parlé tantôt. Là, on est dans le domaine des boyaux et puis des déjections corporelles. Two Girls, One Cup. Ah. Ouais, ouais, on en a parlé, là. Hein, oh. On ne montre pas, là. On s'en fout un petit peu. Tout le monde l'a vu, tout le monde en a parlé. Ça, c'est sûrement la manifestation de la liberté d'expression qui fait reculer le plus de monde. Mais bon, faut vivre avec les jugements de valeur. Et puis, dans le fond, c'est du passé. On a tous le droit de triper comme on veut. Et de montrer à tout le monde comment on le fait est une réalité moderne. C'est pour cibler un peu mon propos que je vous parle ici de ce clip magique, s'il en est. Moi, quand il y a des érections, je n'y suis plus. Le douteux est de l'absurde involontaire. L'objectivité est chose possible dans un tel contexte. Mais si l'on y accepte tout ce qui est différent ou marginal, ça marche plus. Quand les gens sont excités sexuellement, c'est rare qu'ils se posent des questions sur le pourquoi, le comment ou le reste. Et le douteux, c'est justement ça. C'est de se poser des questions. Je dis pas que ça me fait bander de voir ça, là, de voir Two Girls, One Cup. Loin de là, très loin de là. Je dis que le clip était fait dans le but premier de faire bander. Ouais. C'est une affaire de fétichisme. C'est ça, ça dépasse complètement mes compétences d'analyse du questionnable. Quant à savoir si ça devrait exister, ce clip-là, je m'en contrefous. Parce que si c'est pas de cette façon que l'on va briser les standards de la déviance, on va trouver autre chose. On est fort de même, l'humanité, pour ces affaires-là. Oui. Avez-vous essayé de demander à deux filles, d'ailleurs, on pensait à ça l'autre fois, là, deux filles qui marchent dans la rue, là, tu vas les voir, tu lui demandes un autographe. Puis là, s'ils disent « Ah ouais, pourquoi? » Là, tu dis « Ben, vous étiez pas dans Two Girls, One Cup? » Réaction assurée. Tout le monde a déjà vu le clip. C'est sûr que les filles à qui vous dites ça au hasard vont avoir de quoi vous répondre. C'est sûr et certain. Aïe, aïe, aïe. Effet garanti. Sinon, ben, il y a un humoriste qu'on pense peut-être venir du Québec. Ouais, on pense l'inviter. C'est ça. En tout cas, on va y écrire un email tantôt. Monsieur John Lajoie qui a écrit une chanson sur Two Girls, One Cup. Ceux qui sont bilingues, ils vont savourer. Les autres, ils vont trouver que c'est romantique. Donc, on s'en reparle juste après à 70% pour les vraies valeurs. John Lajoie, Two Girls, One Cup song. Moi, j'ai parlé du camembert. How do you show someone you love that they are the one? So many ways to express love, it's hard to choose just one. How you gonna do it? Some people like to kiss, some people like to hug. Some lesbians like eating each other's shit out of a cup. Some people say I love you, some even shout it out. Some people puke semi-digested shit into each other's mouths. Sometimes making love's not enough, you have to step it up. Urinating on her face is not enough to say I love you. Some people like to kiss, some people like to hug. Some lesbians like eating each other's shit out of a cup. Some people say I love you, some even shout it out. Some people puke semi-digested shit into each other's mouths. She's covered in vomit and human feces. That's how I know that she needs me. She's covered in vomit and human feces. That's how I know that she needs me. She's covered in vomit and human feces. That's how I know that she needs me. Shit in my mouth and I'll puke it all over your face. Ils sont fiancés. C'est pas grave, ça compte pas. Pourquoi, puisqu'ils s'aiment? C'est impossible. Loïs ne pourra jamais être enceinte de Superman. Ses trompes de Fallope ne pourront jamais contenir son sperme. En déchargeant, il lui trouerait le vagin jusqu'à la colonne vertébrale. Et puis t'as vu son ventre, il est pas assez fort pour porter son gosse. Mais pourquoi? Ce serait un extraterrestre. Son organisme kryptonien grandirait trop vite à cause de notre soleil. Si Loïs chope un coup de soleil, le gosse lui remonterait dans l'estomac. Seule une femme comme Wonder Woman aurait l'utérus assez fort pour porter son gosse. Le seul truc, s'il veut baiser les terriennes, c'est de mettre une capote en kryptonite. Et ça le tuerait. Ok, oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure dans mon histoire de glaciaire que quand que moi j'ai pissé dedans, j'ai pogné une bosse puis je l'ai comme mis partout sur le plan. Ok, puis je voulais dire que sur le site de Two Girls One Cup, moi non plus je ne porte pas de jugement. C'est pas ce qui m'excite. Mais j'ai exploré le site quand même. On peut voir des réactions des gens sur YouTube directement sur le site. On peut voir la chanson de John Lajoie qu'on vient d'écouter qui est merveilleuse. On peut également lire un texte sur la scatophilie. Et il y a un gars qui dit que le goût de la marde, ça s'apprivoise. Hein? Le goût de la marde, tel le vin, tel le café ou le thé, la première fois, on n'aime pas ça. C'est répugnant, comme Magic. Mais après une couple de fois, ça peut avoir le goût âcre et puissant du camembert. Ça s'en vient, c'est ça. Hein? Là, après, pendant 3 semaines, hein, puis on n'en parle plus. Là. On va allumer les autres. Mais aussi. Comme dirait Trunk 25, l'amour de la marde, la beauté de la marde, respecte sa chaleur. Il faut respecter sa chaleur. Mais c'est drôle parce que pendant la chanson tout à l'heure, Tommy a dit après ça, pendant 3 semaines, on parle ni de pipi ni de caca, et moi de rétorquer, hey, je contrôle pas les nouvelles. Hein? C'est vrai que la pilule pour chier doré, c'était beau, ça. Hey, non, mais là, vu qu'il faut passer au travers, on va aller écouter des séquences de forceté encore une fois. Cette fois-là, on va apprendre que dans le futur de Pépin Méry, dans le futur où Jack Scalia, le flic désabusé, doit travailler, eh bien, il y a des robots un petit peu partout. Là, on est au bar et puis il tue le temps avec des troisième rôles qui sont supposés être ses amis, ses seuls amis. Je vais vous dire, les robots, c'est la pire chose qui nous soit tombée dessus depuis que la science existe. Les savants n'ont plus aucune morale maintenant. Quand tu penses que je suis tombé sur une prostituée cybernétique la semaine dernière? Ouais, c'est grave. En tout cas, faut quand même être un sacré pigeon pour aller claquer de l'argent, pour se taper des boulons, des ressorts et des circuits électroniques. Sans compter que tu trouves rien à leur dire. Tiens, vous voulez savoir ce que je ferais moi si je rencontrais une? C'est simple, je lui mettrai une tartine entre les fesses et je la brancherai pour qu'au moins elle me serve de grippin. Ça, c'est une idée. Je suis désolée de vous contredire, mais monsieur, vous ne pensez pas à l'énergie solaire. Et voilà Israël qui est en train de se manger sa tête. Je marche au nucléaire. Non, mais t'es bonne, hein? Elle était excellente. Dick, Charlie, approchez. Les gestes de Toaster, quand on parle de robot, c'est tout le temps drôle. C'est pas pour. Le contrôle est perdu. Il est en train d'essayer d'avaler son coup. J'y crois pas. Et Damien qui se charge pendant que... Encore une petite partie, les gars. Hé, les mecs, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, il est drôlement tard. Je vais me faire engueuler par ma... Attends, tu vas pas rentrer à cette heure-là? Monsieur Jack... Je ne me sens pas très bien. Je crois que je vais rentrer moi aussi. Vous êtes une sacrée brochette de rigolo, tous les deux. Une sacrée brochette de rigolo, hein? C'est quand la dernière fois que vous avez dit ça? Quel dommage que vous pensiez du mal de moi. Je peux peut-être vous faire changer d'opinion. Changer d'opinion? Dans mon cas, c'est inhumain. Comme un robot, hein, qui n'est pas humain. Damien me fait signe qu'il était chargé à bloc. On va finir ici le Jack Scalia, on met ça de côté. Donc là, je mets la trame sonore de fond. Malheureusement, le matériel de Pablo n'a pas fonctionné. On va mais être capable de... Est-ce qu'on peut quand même vérifier si le synthétiseur rentre? Peux-tu ouvrir sa slide, voir si... Ça serait ça ici, comme ça. Vas-y. Ah, c'est beau ça. Donc on va l'avoir live, t'es plugé, man. Ça veut dire, Damien, tu vas nous introduire ta chanson un petit peu. OK, ça s'appelle « Je pleure dans la douleur » et c'est une chanson dont je peux pas vraiment dire le sujet, c'est trop flou. C'est une chanson qui vient en rêve, on se réveille, puis là on a certains souvenirs, mais on peut pas le raconter. C'est un peu ça. Voilà, donc on laisse l'imagination et la créativité de Damien s'exprimer. Pour tous ceux qui ont peur du noir comme de leur sœur,

Ils disent que vous êtes responsable. Et voilà. Nous avions deux ordres contradictoires. Évanouir, éliminer les terroristes et en même temps protéger les otages. Dans certaines situations, l'un doit passer en priorité, non? On est obligé de prendre une décision. Tu as raison, je le sais très bien. Seulement, le maire et le préfet croient que vous avez pris la mauvaise décision. Et vous pensez qu'ils pourraient nous en vouloir? Oui, ils vous en veulent. Ils voudraient que... Enfin, ils ont ordonné votre élimination. Alors, ça veut dire que comme Athènes, nous allons cesser d'exister? Nous allons mourir. Oui. Le monde ignore que l'on va détruire quelque chose d'extraordinaire. Taille. Une joke de vous êtes supérieur à tous ces robots serviles, vous êtes... De beaux robots. Les messagers de l'avenir. Ah, ça n'importe quoi. Jonathan, j'aimerais vous poser une question. Ok, comptez autopréservation puis autorité. Croyez-vous que l'ordre d'élimination contredise nos directives? Quelle directive? Autopréservation. Exact. Ça les contredit. Oui, ça les contredit. Ça les contredit. Est-ce que ça les contredit? Ça les contredit. Mais cet ordre émane de vos supérieurs, c'est... Nous sommes obligés d'obéir à l'autorité. Obéir à l'autorité, dans ce cas, revient renier la loi d'autopréservation. L'autopréservation n'a-t-elle pas été programmée par l'autorité? L'autorité se contredit sans aucun doute. Jonathan est celui qui nous donne les ordres. Jonathan! Et nous devons obéir à l'autorité. L'autorité ordonne notre élimination. Mais l'autorité est une menace pour notre existence. L'autorité est corrompue. Jonathan. L'autorité. Pourquoi le circuit ne fonde pas, là, parce qu'il pense trop? Ça êtes-vous évolue, de ceux qui menacent notre existence? Avec votre autorité. Maintenant, ça suffit. Ne cherche pas les complications. Directive, éliminer ce qui menace notre existence. Directive, obéir à l'autorité. Directive, autopréservation. Obéir à l'autorité. Autopréservation. Obéir à l'autorité. Autopréservation. Oh, man. Autopréservation. Autopréservation. Devinez qui va se faire modifier bientôt. Obéir. Autopréservation. C'est une décision. Et voilà. C'est munch sûr, robotique. C'est... Non, mais oui, un robot qui vient de muncher, mais ce qu'il vient de faire, c'est de muncher Jonathan. Jonathan, qui est le scientifique haut de gamme qui les a construits. J'ai d'ailleurs un petit texte que je voulais lire sur... ça va te donner un petit peu plus de temps à penser à ta... comment ça s'appelle? Ton indicatif? Oui. Parce que je vais lire le petit texte, on est rendu à ça, hein. Les robots sont déchaînés, les robots en ont plein le cul, les robots s'auto-préservent plus que respectent l'autorité. Un cyborg peut-il aimer? C'est la douloureuse question que Force T va tenter de survoler. Entre les explosions, les sautes d'humeur du flic bourru que joue Jack Scalia et les cris de femmes en détresse, ce long métrage va explorer la douloureuse question, deux points. Un cyborg peut-il aimer? Quand je dis douloureux, je ne parle pas nécessairement du cheminement moral caché derrière la susmentionnée question, mais bien le fait que je ne peux imaginer qui que ce soit qui trouve le développement de cette question ici crédible. Oui, c'est un pépin mairie. Ce qui veut dire que tous les décors ont une durée de vie limitée et ponctuelle. Lorsque la séquence est bouquée, les charmants héros du douteux moderne que sont Pépin et Méry ont l'habitude de faire exploser le décor où ça se passait. La tradition sera ici respectée, promis. Evan Nury, encore lui, offre une très solide performance en tant que Adam, le plus beau et pédant des unités de la Force Terminale. Force T, tu sais. Pis c'est ça, Evan Nury, ceux qui ont vu l'homologramme, c'est lui qui faisait Slash Gallagher. Là, c'est un gros tas. Là. Et puis, devant un dilemme de logique appliqué, il se rend compte que la directive d'autopréservation vient en conflit avec l'ordre de déprogrammation des robots. L'autopréservation ou la mort? Suivre les ordres ou suivre les ordres qui viennent en conflit avec les ordres? Ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs personnages auraient préféré qu'ils acceptent de se laisser détruire parce qu'il y en tue pas mal, tout le monde. Mais ça... Ça nous aurait empêché de voir la seule baisse de cyborg que la mémoire fait vivre dans mon crâne. Parce qu'à un moment donné, les cyborgs trouvent des magazines qui traînent, se rendent compte qu'il y a du monde habillé léger, voient les gens qui se frottent, se questionnent sur ce qu'ils font, ils doivent être en train de procréer. Pouvons-nous faire de même? Oui! Parce que dans ce film-là, Jonathan, celui qui vient d'être munché, a eu la géniale idée de greffer un pénis et un vagin à tous ses robots mais il n'aura pas appris comment nager. C'est des priorités. Là. Tu te fais un cyborg, là. Oh. Puis c'est ça, en passant, techniquement, quelqu'un qui a des broches, c'est un cyborg. Quelqu'un qui a des verres de contact, c'est un cyborg. Du moment qu'on a une partie artificielle qui vient suppléer ou améliorer une fonction naturelle, on devient un cyborg. J'ai un ongle incarné. Non, moi, mais j'ai des lunettes. Un dentier qui a des lunettes est un cyborg. Yes. Pablo, c'est un cyborg, même. Ça veut dire qu'un gars avec un pacemaker, une fille avec un tampon, donc oui, un cyborg peut techniquement, toujours techniquement, aimer. Mais bon, on est dans un pépin mairie. C'est pourquoi les scientifiques, les meilleurs des meilleurs des meilleurs, ont eu l'idée de greffer des pénis et des vagins à leurs robots avant de leur apprendre à nager. Il y a des priorités, Chris. Sinon, ben vous remarquerez les traces de bikinis dans le bronzage de la pitoune robot. C'est comme, je sais pas, tu sais, mettons, un robot avec des traces de bronzage. En tout cas, je sais pas, là. Peut-être c'est moi qui n'ai pas rapport, là, mais. Peut-être pas une trace. Ouais, c'est ça. Fait que toi, Pablo, tu te sens-tu chargé? Moi, je vais tout baisser le volume partout ailleurs, là. Tu vas te retrouver face à face avec ton destin. Un indicatif pour 70%. 30% d'amour, 40% d'orange, 32% bêta, 67% de licorne, 4% de mébol, moins 8% de flanger, 27% d'huile, ça donne 70, genre. C'est bon, ça. J'aime ça. C'est bon. C'est bon, ça. Je pense qu'on a tout compris ce que ça voulait dire. Pas vrai. Vrai. Hey, mais là, déjà. Vrai. Dans vrai, il y aurait. Un grand show, hein. On était tellement. Tu me dis que dans 3 semaines, j'en profite, là. Ouais. Aujourd'hui, ça reste. Il nous reste. Ça reste, ouais, c'est ça. Il reste 13 minutes. 13 minutes. Hey, savez-vous qu'est-ce qui pue le plus au hockey? Je sais pas. La Red Schooler. Non, mais la joke au complet, c'est qu'est-ce qui pue plus que la poche d'un joueur de hockey? C'est l'arrêt d'un gardien. Ok, excuse. Non, ta face. Non, mais là, ouais. Tu as dit, c'est un esthétique. En tout cas, Damien, il va rentrer la queue entre les jambes. Exactement, comme qui? Comme, oui, vendredi passé. Non, ok. des extraits de forceté, Tommy. Ben, c'est justement ce que je retournais plugger. On va aller voir ici, parce qu'il y a un des robots que lui disait, on doit suivre l'autorité. Moi, j'aimerais juste dire que par rapport au texte que tu as lu tantôt, là, moi, j'avais un pénis avant de savoir nager. Mmh. Ouais, mais toi, t'es pas un robot. Ben, je suis un cyborg, j'ai des lunettes. Ouais, des mais t'as été un pas cyborg avant d'en être un. Puis de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que dans le film, ils utilisent le terme cyborg pas de la bonne façon. Parce que si t'es 100% synthétique, tu ne peux pas être un cyborg. Puis ça, ça a l'air d'être 100% synthétique. Vous allez voir les effets spéciaux qui datent de 3 ans plus tard que Terminator 2, qui sont très, très, très bien faits. Ouais. Donc oui, c'est ça. On va aller voir notre héros Jack Scalia qui se fait une alliance ici avec le seul cyborg qui est resté gentil, là, surprenamment. Il va être obligé de travailler avec un partenaire peu orthodoxe, lui qui est habitué à travailler seul. Merci pour cette information, lieutenant. Cependant, je dois vous signaler que je ne suis pas en mesure de voir ce que vous me dites. En revanche, je l'entends parfaitement. Ils se foutent ma gueule? Pourquoi tes amis ont-ils tué le préfet de police? Je l'ignore. Tu ne connais évidemment aucun de leurs projets. Non, je n'en connais aucun. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi. Tu sais très bien ce qu'ils ont dans la tête. Vous êtes tous des machines construites selon la même logique. Je ne suis pas une machine. Je suis un cybernaute programmé pour faire respecter la loi, pas pour deviner dans les pensées. Comment ça m'emmerde? Et tiens, tu n'entres pas là-dedans. Referme derrière moi. Fini la plaisanterie maintenant. Cette nuit, j'ai amené mon meilleur ami à la morgue à cause de tes coéquipiers. Je ne connais pas bien votre fonctionnement, mais j'ai compris une chose en tout cas, c'est que la mort vous fait peur. Alors à moins que ça t'amuse de voir tes micro-circuits décorer les murs de cette pièce, je te conseille de répondre correctement à mes questions. Attention, je n'hésiterai pas à nous faire péter tous les deux. Je peux émettre des hypothèses. Je t'écoute. Le préfet de police et le maire souhaitent notre élimination. À cause de ça, ils sont devenus nos ennemis. Il est possible qu'ils essaient d'éliminer tous les facteurs hostiles. Si le préfet était le premier objectif... Notre maire sera le prochain. Exact. Bon sang. Lieutenant. Quoi? Combien de vos officiers de police ont été tués hier soir? Beaucoup trop. Pourquoi? J'ai une deuxième hypothèse à formuler. Si vos hommes et les cybernautes devaient encore une fois s'affronter, cela pourrait entraîner un nouveau massacre. Par rapport à ça, votre seul et unique espoir de parvenir à vous en tirer, c'est moi. Tadam! Mais voyons. Et voilà une alliance peu orthodoxe pour permettre aux héros la chance de survivre à la toute-puissance cybernétique de Evan Lurie dans un autre rôle de boss des méchants. Et oui, on va s'en aller vers une explosion. Et oui, tout le monde va mourir. Et oui, c'est du moins 7, moins 8. C'est blindé. J'ai adoré réécouter le film Forceté qu'on va aller écouter tantôt aux Roquettes. Et puis, ben, j'ai amené plein d'autres surprises. On a fait une nouvelle pancarte trame sonore. Sans oublier la chaudière pleine de haki en tôle. Si c'est pas blindé, on pense à vous autres. Pour Roquette, coin Mont-Royal, Saint-Denis, vous pouvez aller voter sur le site douteux.qc.cx pour le film douteux de la semaine le prochaine. Le film qui va être écouté la semaine prochaine, effectivement. Sinon, ben Bruno, nouvelle avant qu'on aille écouter le dernier extrait de Force T. D'accord. Alors, l'Empire State Building est le nouveau triangle des Bermudes des automobilistes. Selon les rapports du AAA, chaque jour, de 10 à 15 voitures arrêtent de fonctionner aux alentours du fameux building Art Deco. Et si on remorque la voiture 5 rues à l'est ou à l'ouest, elle redémarre très bien. Le building a repris son statut de diffuseur principal d'ondes radio depuis le 11 septembre 2001 et certaines personnes croient que ces émissions en seraient la cause. Si cela était vrai, a déclaré le propriétaire du building, les rues seraient pleines de voitures qui ne fonctionnent pas à journée longue. Selon les portiers qui travaillent dans le coin, elles le sont très souvent. Ben voyons donc. Ouais, en tout cas. Bizarre, hein? C'est ça, c'est Skynet qui est rentré dans l'ordinateur GPS de l'auto puis qui décide de prendre le contrôle parce qu'il voyage sur les ondes FM. C'est quoi, là? Non, mais c'est Bluetooth, Star. Ouais, c'est ça, c'est ça. L'important, c'est de créer une polémique autour de vent. Ouais. Toi, Pablo, c'est quoi tu fais dans la vie? Ah, je ramasse des roches. Toi, t'as eu un espèce de bac qui fait que tu peux faire des Oui, oui, oui. Ouais, je peux faire ça. Ah, yeah, on va essayer de faire ça. Ah, c'est on cool. Va on va l'avoir. Pendant qu'il vient préparer son orgue, nous autres, on va écouter la dernière séquence. Je vous ai parlé de baisse de robots. Selon toi, que font ces deux personnes? Non! Je pense qu'elles sont en train de procréer. Ah ben oui. Et nous, on peut procréer? On peut toujours essayer. Pour ça, il faudrait que tu enlèves tous tes vêtements. Oui, et d'après la photo, toi aussi. Oh, un montage! Est-ce qu'on voit ses tatons? Ouais, ben c'est ça, justement, on voit qu'elle a du bronzage assez placé bizarre. C'est quand t'es prêt, hein? Et voilà. Avec la distorsion pis tout. Ah, il est content, Pablo, en plus. Pablo, écoute, 70% maintenant. Hein? I survived 70%. C'est quoi qui s'est passé? Sinon, ouais, il y a eu un match du sport que je n'ai rien à faire. Ouais. Il a neigé. Tu peux maintenant conduire le métro de Montréal dans ton virtuellement, salon. Virtuellement, oui. Virtuellement. Ça donne envie d'étrangler. C'est extraordinaire. Hein, si ça. Faut aller jeudi prochain et voilà, on voit les seins, justement, de la cyborg qui sont moins bronzé, on voit le décalqué bikini. Ah, pépin. Jeudi prochain, on s'en va tout à l'après-cours pour sauver Choc FM. Et voilà. D'aller! Livre, entre autres. Oui, non, l'important, ça va être d'aller voter pour la cano. Là, parce que nous autres, on peut même pas y aller. On est des bénévoles. Je sais pas. Moi, je vais aller boire de la bière, en tout cas. Ouais. C'est sûr qu'on va être là. À 70%, on devrait présenter des extraits. Il va y avoir aussi Israël qui va jouer à Bible Adventure. Puis Barbie. Puis on va jouer à Ikari Warrior. Moi, ça, j'insiste. On va jouer en Beden à Ikari Warrior. Parce que, à BBA, là, tu es. À BBA pour revivre et revenir tuer un paquet de ces putains de citrons. Ça va être vraiment, vraiment génial. Sinon, c'est quoi que je voulais dire d'autre? Ben, je peux parler de feed vite fait. Là. Ben, vas-y, man. Parle de feed, ça va finir le show d'aujourd'hui. Alors, en Australie, on fait des films pas bons. J'ai rendu compte à cause que j'ai vu un film qui s'appelle Feed. Il a été présenté à Fantasia. Oui. Je lui ai donné moins 3 parce que je pensais que ça allait être 3, mais c'était moins 3. L'histoire, c'est un policier corrompu, batteur de femmes, qui décide d'enquêter des affaires qu'il n'a pas à faire à enquêter d'eux. Son chef de police est en crise. Il s'en va en Amérique enquêter sur un gars qui nourrit des filles. Sur le site internet de FeederX, le donneur donne à la gagnante du manger et elle grossit et tu peux gager pour savoir quelle date qu'elle va mourir et à combien de livres. Fait là, le policier est pas content de ça, il décide de sauver les grosses qui sont pas capables de bouger de leur lit. Pendant ce temps, on voit plein de scènes de grosses tout nues qui se font donner des burgers dans leur bouche. Je pense qu'il est traumatisé aussi, je vais te le donner, non, oui, non. Non, il fait juste lui donner du manger, okay. Clément. Puis les filles, eux autres, ils mangent, c'est tout. Ah, ils disent « Feed me ». Puis là, ils donnent du manger dans la bouche. Puis il est tout nu, le gars. Le gars, pendant qu'il fait ça, il est tout nu. Boy. Bon, ben, ça va être la fin, je pense, de 70% pour aujourd'hui. On va vider la place parce que Dans ta bulle s'en vient pour parler de bande dessinée. Merci à Pablo, Damien, Rock'n'Roll, Bruno, Invincible, et puis Israël, Trudel-Denis, Rock'n'Roll. Toujours là. On va passer au travers la semaine prochaine. Ça va être encore une émission comme à soi, mais différente. Avec des choses nouvelles, puis des choses moins nouvelles. On va laisser avec Desmond Decker, The Israelites. Merci d'avoir écouté Israël. 70%. Ouais, c'est pour toi, Israël. Salut. The morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites, get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth. She said that was yours to receive. Lundi 4 février, vous écoutez l'épisode 28 de Dans ta bulle, l'émission BD sur les ondes de Choc FM. Au sommaire de cet épisode 28, Christophe, pour sa troisième semaine d'absence, nous laisse des chroniques.